Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Il a été lancé officiellement ce vendredi à Ngozi, un projet de résilience des transports au Burundi. Vous entendrez les explications du ministre en charge des infrastructures, Doukounda Dieudonné. Le nombre de personnes infectées au VIH a augmenté en 2022 avec plus de 2300 nouvelles infections. Contre près de 2000 en 2021, révélation faite ce vendredi par le secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida. Et l'exiguïté des terres est à l'origine des mésententes entre les habitants de la colline Nyarurambi en commune Gatara de la province Kayanza. Reportage à suivre. Lancement officiel ce vendredi à Ngozi d'un projet de résilience des transports au Burundi. Le ministre des Infrastructures publiques, Dieudonné Doukoundané, indique que ce projet de 5 ans qui coûtera 120 millions de dollars américains diffère des autres car sera très bénéfique à la population de la zone d'exécution, à savoir la province de Bujumbura en particulier et ailleurs. Il indique que ce projet rentre dans le cadre de la vision Burundi pays émergent 2040 et pays Burundi Burundi pays développé en 2060. Le ministre Dieudonné Doukoundané explique au micro de notre correspondant Ngozi, Apollinaire Mutsakara. C'est un projet où le gouvernement du Burundi a obtenu un financement de la part de la Banque mondiale, un financement de 120 millions de dollars. Et la logique derrière, c'est que cette fois-ci, on construise des infrastructures de transport, des routes et d'autres facilités qui sont résilientes au changement climatique. Vous êtes tous au courant que le monde entier fait face au changement climatique. Et si on continue à construire des infrastructures classiques qui risquent d'être emportées par ces aléas, nous risquons de perdre les investissements consentis. C'est pourquoi la route qui va être construite dans ce cadre, la route Gitaza Bujumbura, certains axes à mairie de Bujumbura, vont l'être suivant des standards qui réellement résistent au changement climatique. C'est un projet pilote qui va être un modèle non seulement au Burundi, mais également à travers l'Afrique. Et c'est pourquoi nous avons voulu que ce projet rentre dans la vision 2040, Burundi pays émergent, 2060, Burundi pays développé. Au terme des travaux qui sont prévus dans ce projet, il sera question maintenant de voir le genre d'infrastructures routières et le genre de facilités de locomotion dans nos villes auxquelles on aspire si on veut être une économie émergente. Le ministre des Infrastructures demande un débit rapide des travaux et qu'une grande partie des équipements reste au Burundi à la fin du projet. Dieudonné Doukoundané souligne aussi que ce projet renferme un volet de renforcement des capacités. On l'écoute encore une fois. C'est un projet qui a une composante de formation de professionnels dans le secteur de la planification des infrastructures et de la logistique de transport. C'est une première dans ce pays. Ça fait 60 ans, on avait toujours eu à recourir aux experts étrangers. Mais cette fois-ci, avec les formations qui vont être offertes par l'Université du Burundi à travers ce projet, vont permettre à ce que nous puissions disposer dans les prochaines années de nos propres experts qui peuvent, pourquoi pas, mener des études de faisabilité, de rentabilité économique et financière de ce genre de projet. Il y a aussi un autre aspect que nous avons vraiment souligné, c'est que la plupart de ces projets qui sont financés par nos partenaires, on recrute des entreprises de construction étrangères qui amènent leurs équipements et qui partent avec ces équipements quand le projet est terminé. Nous voulons que ce projet soit un modèle. Et chaque fois, on va toujours voir des opportunités où des projets pareils laissent des équipements d'entretien ou des équipements de pérennisation des acquis, des équipements de construction d'autres infrastructures. Parce que c'est la façon dont le montage est fait, en fait. Si on fait un montage de façon à ce que le pays acquiert ces équipements, quelque chose de bon pour le pays. Le ministre des Infrastructures, Dieudonné Doukoundané, dont les propos ont été recueillis par Apollinaire Muzagara. Le ministre de l'Énergie et des Mines dément formellement les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux et faisant état d'une imminente hausse des prix du carburant et de l'électricité au Burundi. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi matin, Ibrahim Ouizeye a mis en garde les stations-service qui ne servent pas l'essence comme à la normale et leur prévient qu'ils s'exposent à des sanctions sévères. Suivez-le. Concernant le carburant, et comme cela a été annoncé dans la récente revue à la hausse du prix, dictée par les cours mondiaux de ce produit, aucun changement significatif n'a eu lieu, puisque le coût du baril, qui était à 93$, n'a pratiquement pas varié. Rien ne pourrait donc motiver cette hausse des prix. Pour l'électricité, au demeurant, il n'y a pas de hausse de prix pour ce service car la voie empruntée pour des changements éventuels est connue. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines continue à suivre de près la situation au niveau international et ne ménagera aucun effort pour que le pays soit approvisionné adéquatement en carburant. De même, il assure la population burundaise que des efforts sont en train d'être fournis pour rendre disponible l'électricité pour tous. Il en profite pour lancer un appel à toutes les institutions pour décourager toutes les mauvaises intentions visant à saper l'économie nationale. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines tranquillise encore une fois la population que tout devra être fait pour que l'approvisionnement en carburant, produits pétroliers et la fourniture d'électricité répondent à ses attentes et garantissent la poursuite de l'activité économique en toute quiétude. Le nombre de personnes infectées au VIH a augmenté en 2022 avec 2344 nouvelles infections contre 2043 en 2021. Révélation faite ce vendredi par le secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida. C'était lors d'un atelier de coordination des organisations de la société civile œuvrant dans la riposte du VIH au Burundi. Docteur Jean-Baptiste Enzo Rirongahudze affirme que cette situation est essentiellement consécutive à la réduction du nombre des femmes enceintes faisant la consultation prénatale précoce et au vagabondage sexuel chez les jeunes. Oda Naishimiye. Le nombre des enfants infectés à la naissance et de nouvelles personnes infectées a été réduit considérablement depuis 2010 jusqu'en 2022. Dans un atelier de coordination des organisations de la société civile œuvrant dans la riposte du VIH au Burundi ce vendredi, il a été montré que les nouveaux cas infectés s'élevaient à 3929 en 2010. Le nombre a été réduit jusqu'à 2043 avant de s'élever à nouveau à 2344 en 2022. Le nombre des enfants est infecté en 2022 a également augmenté, comme le précise le docteur Jean-Baptiste Nzolirongahuze, secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida. L'infection à VIH persiste au Burundi et que maintenant les chiffres augmentent parce que si on prend d'abord la transmission du VIH de la mère à l'enfant, depuis 2010 jusqu'en 2021, on avait de bons chiffres qui arrêtent en diminuant parce qu'on a, on a quitté 26,60% des enfants qui naissaient avec le VIH-Sida en 2010 pour arriver en 2021 à un nombre de 7,95%. Mais à partir de 2021, nous observons que maintenant les chiffres augmentent parce que l'année passée, en 2022, le programme en charge de la lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales nous a présenté qu'on était à 12,37%. Hamza Venant Wulikoukie, représentant légal du cadre consultatif et décisionnaire des personnes vivant avec le VIH-Sida au Burundi, fait savoir que cette situation est due au relâchement au niveau des sensibilisations et demande une bonne coordination des acteurs. Au niveau de la sensibilisation, il y a un relâchement. Et aussi, je peux le dire qu'on s'est beaucoup concentré sur la prise en charge médicale, sur le médical, et oublier vraiment le volet prévention. Alors maintenant, il faut que vraiment les gens fassent ce réveil pour que même le volet sensibilisation, le volet prévention soit vraiment très accentué et très renforcé. Et que s'il y a cet aspect, et d'une forte concentration dans les milieux urbains, surtout à Bujumbura. Il y a beaucoup d'acteurs, les soif de financement et se laissent dans les centres urbains. Alors que dans les milieux ruraux, c'est là où vraiment il y a encore l'ignorance du VIH-SIDA. Il y a des gens qui ne savent même pas où se faire dépister. Au sein du ministère de la Santé, il lance un appel aux femmes enceintes de toujours procéder à la consultation précoce et aux jeunes de sauvegarder les valeurs traditionnelles en s'abstenant afin d'éradiquer le VIH-SIDA. Santé toujours, la kinésithérapie évolue progressivement au Burundi qui dispose aujourd'hui d'une trentaine de centres et services, mais il existe des gens qui ne font pas recours à ces services suite au manque de moyens et informations suffisantes. Déclaration ce vendredi du président de l'association de kinésithérapeutes du Burundi au moment où le pays se joint ce vendredi au monde entier pour célébrer la journée dédiée à la kinésithérapie qui se fête le 8 septembre de chaque année. Il défend Sundou Imana, estime qu'il serait mieux que la population adhère aux mutualités de santé et que de tels centres équipés soient mis partout dans le pays pour faciliter la tâche aux patients. On a déjà observé des progrès par rapport à la création de différents centres ou services de kinésithérapie dans le pays. On a aussi une école ou une filière de formation en kinésithérapie au sein de l'Institut national de santé publique. Le Burundi dispose d'environ une trentaine de centres et services de kinésithérapie, que ce soit ici dans la ville de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais il reste encore des défis à relever. Ici, je peux donner l'exemple. La kinésithérapie n'est pas encore suffisamment connu au Burundi. Il existe encore des personnes qui ont des pathologies ou des problèmes pouvant être traités en kinésithérapie, mais qui ne font pas recours à ces soins par manque d'informations. Il existe encore des personnes qui ont reçu de mauvaises informations par rapport à la kinésithérapie. Pour certaines personnes, la kinésithérapie est réservée aux personnes ayant un handicap physique ou aux personnes qui ont des moyens de se l'offrir. Donc, ils ne savent pas que la kinésithérapie fait partie des soins comme les autres soins, comme l'opération chirurgicale, la prise des médicaments, et aussi que la kinésithérapie doit commencer dès qu'un problème de santé est détecté. Il existe des coins du pays où il n'existe pas encore de services de kinésithérapie, donc les gens doivent se déplacer pour aller très loin pour obtenir les soins de kinésithérapie. Les moyens financiers constituent aussi un obstacle aux soins de kinésithérapie. Des personnes qui arrêtent les séances de kinésithérapie par manque de moyens financiers. Alors, il existe plusieurs activités à mener pour relever ces défis. Par exemple, la sensibilisation auprès du grand public pour connaître ce que la kinésithérapie peut aider aux personnes qui en ont besoin, mais aussi l'augmentation des centres et services de kinésithérapie à travers tout le pays. Il est nécessaire aussi d'augmenter le personnel kinésithérapeute au Burundi parce que bien qu'il existe une école de formation en kinésithérapie au Burundi, le nombre de kinésithérapeutes dont le pays a besoin n'est pas encore atteint. Il y a un besoin d'améliorer les équipements dans les centres et les services de kinésithérapie pour offrir des services de kinésithérapie en quantité et en qualité. Il défend Sundou Imana, c'est le président de l'association des kinésithérapeutes du Burundi. Une levée de deuil définitive a été organisée ce vendredi sur la colline de Ruhagarika où a eu lieu une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 24 personnes de 12 ménages. C'était en 2018. Une série de doléances ont été exposées au Premier ministre présent aux cérémonies, dont la gratuité de la scolarisation des enfants des victimes. Alexis Ndairakitch. Avoir la vérité sur le meurtre de la nuit du 11 au 12 mai 2018 de 24 personnes de 12 ménages. Si la colline Ouagarika de la commune Buganda de la branche Bitoke, l'assistance sur le veuf et orphelin de cette attaque, la scolarisation des orphelins, telles sont les doléances du représentant des victimes de cette attaque. C'était lors de la levée de deuil définitive à ces 24 personnes organisées par le gouvernement burundais de ce vendredi dans cette localité de Ruhagarika. Après cela, ce représentant des familles des victimes demande l'électrification de toute cette colline. Le premier ministre du gouvernement burundais, Gervais Ndirakobucha, a indiqué que le gouvernement burundais doit tout faire pour assister à ses familles. C'est tout pour la vérité pour cette attaque. Après cela, il a indiqué que les orphelins seront assistés en précisant que la question qui concerne l'électrification va être bientôt résolue, tout en demandant à la population de Rwagarika en particulier et toute la population burundaise en général de veiller à la paix et à la sécurité du Burundi en évitant les rumeurs. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. L'exiguïté des terres est à l'origine des mésententes entre les habitants de la colline Nyarurambi en commune Gatara de la province Kayanza. Ces habitants disent que le partage n'a jamais satisfait les membres d'une même famille, tandis que les conflits liés à la délimitation des propriétés sont fréquents dans le voisinage. Des enfants en arrivent même à tuer leurs parents pour se rassurer d'avoir une propriété, comme le confirme Vianney Ndikumana, chef de cabinet du gouverneur. Aloïse Ndaïsenga, chercheur en démographie, décourage les Burundais à ne plus s'attacher trop à la terre. Un reportage réalisé avec le soutien de Rainforest Journalism en partenariat avec Pulitzer Center. Omer Ndouayou. Elle est l'une des 9 communes de la province Kayanza, Gatara, d'une superficie de près de 104 km². Elle a une population atteignant 88 000, soit 845 habitants par km². L'exiguïté des terres cause des conflits fonciers dans les familles. Nous partageons une propriété de moins d'un hectare alors que nous sommes une famille de 10 personnes. Après le partage, je n'espère pas avoir une part qui me suffit. Ici, la terre ne s'agrandit pas alors que les personnes se multiplient du jour au jour. Penokini Zone enregistre 60 mariages par mois, c'est-à-dire que 60 enfants naîtront dans une année. Imaginez si cette situation prévaut aujourd'hui, que sera-t-elle devenue dans 10 ans? Comme inconvénient des tueries. La partie adverse est remportée par la corruption et l'usage des forces surnaturelles, la sorcellerie. Parmi les litiges reçus par les médiateurs collinaires, ceux liés aux fonciers sont les plus nombreux, affirme Gordien Nyabenda, l'un des médiateurs. Nous avons déjà reçu 47 litiges depuis l'existence des médiateurs collinaires. Une année vient de se passer. Plus de 30 sont des litiges fonciers. Selon Vianney Ndikumana, chef de cabinet du gouverneur, des combats sont quelquefois constatés entre fils et pères, suite à l'exiguïté des terres. Des mésententes existent dans les familles entre les parents et les enfants. Quelquefois, un enfant peut demander à son père « Pourquoi tu m'as mis au monde ?» C'est choquant. Il peut même mener un combat contre son père, tout simplement parce qu'il n'a pas espoir à son avenir. Un fort attachement à la terre chez les Burundais est un défi, analyse d'Aloïse Ndaïsenga, professeur d'université et chercheur en matière liée à la démocratie. Les Burundais, en général, sont très attachés. Il y a un très fort attachement à la terre. Et ça, ça date de très longtemps. Même ceux qui ont fait de longues études sont toujours attachés à la terre de leurs parents. Même quand les parents ne sont plus là, il y a un fort attachement à la terre chez les Burundais. Selon les statistiques publiées en mars 2023 par l'Institut national des statistiques du Burundi, sur plus de 18 000 litiges reçus en 2017, plus de 15 000 sont des litiges fonciers, soit plus de 80%. Toujours selon l'INSBU, ces litiges fonciers ont triplé en 4 ans. Ils sont passés de plus de 5 000 en 2013 à plus de 15 000 en 2017. Merci Omer. Et pour boucler ce journal en actualité africaine, le gouvernement somalien demande à l'ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine, de suspendre son retrait. Le conseil à la sécurité de la présidence, Hussein Cheikh Ali, en a fait la requête dans une lettre adressée à l'ambassadeur des Nations Unies, Ferit Rossa. Il demande une pause technique afin de laisser le temps aux forces somaliennes de consolider leur victoire face aux terroristes Shebab. L'ATMIS a démarré son retrait en début d'année pour laisser les forces somaliennes prendre le relais. La phase 2 du retrait prévoit le départ de 3 000 hommes de l'ATMIS d'ici la fin de l'année. Les 14 000 restants doivent quitter la Somalie d'ici fin 2024. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.